Chapitre 124. L'interdiction d'utiliser des tapis ou des selles en peau de léopard. 811. D'après Muawiyah, radiallahu anhu, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a dit: ne montez pas sur des selles en soie ou en peau de léopard. Abu Daoud, notamment, selon une bonne chaîne de narrateurs. 812. Abul Maleh rapporte d'après son père, radiallahu anhu, que le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a interdit l'usage des peaux des bêtes féroces. Abu Daoud, At-Tirmidhi et An-Nasa'i à travers des chaînes isnad authentiques. D'après une autre version d'At-Tirmidhi, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a interdit d'utiliser les peaux des bêtes féroces comme tapis, matelas, etc.